بسم الله الرحمن الرحيم. سئل العلامة الشيخ زيد المدخلي رحمة الله عليه: ما حكم من يسأل أكثر من عالم عن مسألة واحدة ويتخذ ذلك عادة؟ هذا سؤال طيب. C'est une question importante. Ils ont posé la question à Cheikh Zayd, donc, rahimahullah, sur le fait de poser la même question à plusieurs savants. Et ça devient une habitude. Quand il a une question, il la pose à tel shir, ثم il a la réponse, ثم un deuxième, ثم un troisième. قال الشيخ زيد رحمه الله: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن آمن به واتبع هداه. أما بعد، السؤال ينقسم إلى قسمين: سؤال يقصد منه الاستفادة ومعرفة الحق ليعلمه ويعمل به، فهذا هو السؤال الذي أمرنا الله به. أولا إلى منطخي رحمة الله عليه أن poser une question c'est de plusieurs catégories. Il y a plusieurs situations. Pourquoi les gens ils posent des questions? La première c'est le fait de poser sa question pour connaître la vérité et mettre en application. هذا هو السؤال الذي أمرنا الله به. C'est ce genre de question qu'Allah nous a ordonné de poser. قال الله تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أي demandez à أهل الذكر, les gens du rappel, les savants, les gens de science, si vous ne savez pas. قال والسؤال, le deuxième cas, والسؤال تعنت والتعجيز للمسؤول. هذا c'est grave. بعض الناس يسأل des questions, لماذا؟ c'est من باب التعنت et كذلك من باب تعجيز المسؤول. Pour voir est-ce qu'un tel il va répondre. Bardanès, ils essayent de trouver des questions compliquées et essayer de piéger un tel. Là, c'est très très grave. Ayyadam billah. Kadhalik ba'dhum, ils posent beaucoup de questions, c'est de la curiosité. C'est pas pour appliquer. Et ça, c'est pas comme ça qu'on doit agir. Et là, si tu viens poser toutes les questions qui te passent dans le cœur, tu vas poser beaucoup de questions. Là, on doit se limiter. Awalan, le savant, il n'a pas beaucoup de temps. Thanian, le but de ta question, ça doit être la mise en application. Et tu vas, il y a des choses que tu ne peux pas mettre en application ou qui ne te concernent pas. Enfin, pourquoi les poser? قال رحمه الله وهذا لا يجوز وذلك كأن تطرح المسائل على شيخ ثم تفهم الحكم من جوابه ثم تنتقل إلى شيخ آخر لتنظر ماذا يقول. أحيانا la question elle est claire, la réponse du sheikh elle est encore plus claire avec une preuve. Donc celui qui a posé la question, normalement, ça doit le suffire. Et si c'est une chose qu'il doit mettre en application, il met en application. Si c'est une chose qu'il doit délaisser, il délaisse. Et ça s'arrête là. Wa'adhanas, qu'est-ce qu'ils font? Ils reposent la question à un autre. Emma, comme on a dit, la curiosité. Emma, encore plus grave, wa'adhanas, ils ne sont pas convaincus ou ils ne sont pas satisfaits de la réponse. Maintenant, ils s'attendaient ou ils pensaient que Shir, il allait lui dire c'est permis. Le Shir lui dit c'est pas permis. Vu que cette personne, Yadam Bilal, elle suit ses passions, elle veut demander un deuxième shir pour avoir la réponse. La réponse qu'il veut. Et ça, c'est très très grave. On ne doit pas essayer d'avoir la réponse qu'on veut. On doit avoir comme intention d'avoir la réponse qui est basée sur la vérité. On le veuille ou non. Si le shir, il te cite un dalil, min al-Qur'an, ou min sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on doit se soumettre et accepter. Et on n'a pas besoin de poser la deuxième. Il pose la deuxième et encore plus grave, il reformule la question différemment pour essayer d'avoir une réponse. Et Razoum, ils ont la réponse qu'ils veulent. Thomas, ils font des fitaines, des problèmes, la polémique. Mais Chirantel, il a dit, et Chirantel, il a dit, mais moi j'ai reposé la question et ça met des doutes à tout le monde. On doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et Alamo, Anna le Chir, il répond par rapport à la question qu'il entend. Le Chir, il ne connaît pas l'invisible. Cette question en apparence. Et il répond par rapport aux données qu'il a. Le frère ou la sœur, ils ont cité telle chose, le shir il répond. Et l'insan yattaqillah, comme on a vu dans le dars précédent, le hadith de Ka'b radiyallahu anhu, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous voit, il nous entend. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Enfin, le but des questions, poser une question, c'est une ibadah. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous l'a ordonné. Fas'alu ahli dhikr. Donc on doit faire attention. L'adoration, c'est fondée sur la sincérité. Donc même dans nos questions, on doit être sincère. Et la mise en application, bien sûr, doit être sincère. قال رحمه الله بل ربما قال بخلاف ما قال الأول فتجني من وراء ذلك أن تكون مذبذبا ومرتكبا ومرتبكا. مرتبكا, l'ertibak, c'est C'est comme tadabdoub, c'est les doutes. L'insan, il devient instable. Le premier cheikh, il lui a dit c'est permis. Le deuxième, il lui dit c'est pas permis. Ce questionneur, il a ouvert une porte de doute dans son cœur. Et après, il est obligé de poser la question à un troisième. Parce que le premier, il m'a dit c'est permis. Le deuxième, il m'a dit c'est pas permis. Que faire? Ben, c'est pour ça qu'on doit poser la question à un. On doit poser la question à un. S'il nous cite les adillah ou les alham, fatayyib. Bien sûr, si la première réponse, Imma, elle n'est pas claire, Imma, tu as oublié une chose, Imma. Il y a des cas où tu peux reposer la question, bien sûr. Lakin, c'est par rapport à l'intention. Innamal a'mal ubniyat. On fait attention de ne pas essayer d'avoir les réponses qu'on veut. Khassatan, l'ind al-khilaf. Bardanas, ils sont en divergence. Wahed, il diverge avec son frère. Thomas, les deux, ils posent la question à un shir. Chacun, il formule la question comme il veut. Thomas, il se rencontre, mais le shir, il a dit, l'autre, il dit, moi aussi, j'ai posé la question. C'est pas comme ça. Quand il y a un khilaf, rassemblez-vous et on écrit la question ensemble. Les Annabardom, ils posent la question et c'est pas la question que l'autre y pense. Non, l'autre, il a autre chose. Donc, Awolan se rassembler, poser la question. Thumma, on accepte la réponse si elle est fondée sur une preuve. Et Alhamdoulilah, vous verrez qu'on va s'unir Akthar. Vous verrez qu'on va s'écarter de la polémique. Vous verrez qu'on va s'écarter de beaucoup de divergences. Qala Shir Zayd, rahmatullah alayhi. فعلى السائل الذي يشكل عليه شيء في أمر دينه أن يسأل عن أعلم الناس في البلد وأوثقهم فيسأله ويكتفي بجوابه لا. كذلك on pose pas la question à n'importe qui. Il y a une des causes qu'on est obligé de reposer des questions. Ahyana, la personne qui est interrogée, elle n'a pas les compétences. Et peut-être que la réponse, ça devient un autre problème. Thomas, ce frère, il est obligé de reposer la question. On doit s'habituer à poser. كما قال عز وجل فاسألوا أهل الذكر. C'est pas n'importe qui. Pas celui, c'est bon, il a donné un cours, deux cours, il arrive à parler l'arabe, et khalas, ça devient une référence, on lui pose nos questions. Là, surtout dans les sujets importants. Ça revient à ahlul ilm. Tout le monde doit craindre Allah. Dès qu'on interroge un frère qui n'est pas compétent, dès qu'on interroge autre qu'un savant dans certaines choses, c'est une épreuve pour ce frère. C'est une épreuve pour ce frère. Donc, on ne doit pas ouvrir ses portes. Certaines questions, ce n'est pas pour tout le monde. قال رحمه الله لأن الانتقال بالسؤال من شخص إلى آخر وهكذا قد لا تكون فيه فائدة ومنفعة وإنما فيه مضرة وفتنة والله أعلم وبالله التوفيق. نعم فنكتفي بهذا. La question elle était claire, la réponse aussi. فالحمد لله. La référence, العقد المنضد الجديد في الإجابة عن مسائل في الفقه والمنهاج والتوحيد de Al-Allama Sheikh Zayd Al-Madkhali rahmatullah alayhi. C'est une série de fatwa qu'ils ont imprimé en 5 volumes de Sheikh Zayd rahmatullah alayhi, et c'est des questions réponses dans divers sujets. Naktafi bihada wa alhamdulillah wa assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.